Oh là là là là là là! Il y a de l'électricité dans l'air! Oh, du règlement de compte! Cendrier! Baba! Oh là, je vous coule! Mais tous les coups sont permis! Pour commencer, là t'es déjà game over! Putain, t'as changé, j'savais pas que t'étais lover. J'ai des dossiers, attends, tu veux que je les sorte, toi? Tu racontes des couilles et moi, tu sais que je les porte. Écarte ta bouche, ça pue les microbes. T'aurais pas dû faire ta pouf, t'as sucé le micro. Pourquoi tu fais le déchon? Vas-y, viens, je t'attends. Tu devrais faire attention, on dirait pas que t'as 24 ans. Ruin un papit, ou plutôt Erwin Presley. Moi, j'ai même pas besoin de te clash pour que les MC me respectent. Je te mets à genoux pour que tu me dises tatoué. Pareil que sur tes seufs, y'a une bite tatouée. Tu t'es pris pour un musulman, mais apparemment t'es blanc. Moi j'ai des rafales de rimes, ratatata dans tes dents. Désormais les jeux sont faits, ouais pour moi c'est trop tard. T'as confondu l'art de rue avec le rap des trottoirs. Cendrier. Comment t'as abusé, Cendrier? Hé, Babouat, réponds. De quoi tu veux parler? Mec, t'es trop défoncé. Tu devrais t'efforcer de ne pas te dégonfler. Tes vieux sourcils grossiers me font vraiment penser que tu devrais les jeter ou bien même les raser. En fait, tu ressembles à rien, je vais t'appeler machin. T'as rien dans la machine, comme un crâne de babouin. Ta rime est trop facile, je crois que tu vacilles. S'te plaît, quand tu me croises, ne me fais pas signe. T'auras pu les casser, comme la jambe à Oisine. T'as tellement tourné que je pourrais t'enculer sans vaseline. Ah ouais, c'est sûr, mon pote, quand je vois ta face, je ris. T'as pas compris que c'était un clash et pas la garderie. Donc va ranger ta chambre, enfin si t'y arrives. Tu fais que des fausses notes comme un vieux pianiste. Tu sais pas trop troller quand t'as ingurgité. Avec tes dents de poney, tu ferais mieux d'aller te suicider. Foulec, c'est du moite-moite les gars. On en veut encore, allons. Va voir une logopède parce que là c'est flagrant. J'savais pas qu'en Wallonie on pouvait rapper flamand. Rends-toi compte, tes canons pris ont raté. T'es à côté de tes pompes comme si Cendrillon rappait. On sait que tu pompes tes faces, sans d'art pas de mérite. Et d'une boîte t'as pas d'oreilles mais de gros satellites. Quand tu vendrais ta robe pour des kills de hache, tu gères pas le pilotage donc va faire du picotage. On t'a cramé, tu parles trop quand t'as bu. Même si regarde ton nez, on dirait Carlo dans ta cul. Si je suis Carlo, toi t'es Patrick l'étoile. Tu parles de mes cheveux mais t'as même pas encore de poils. De quoi tu parles? Mais moi je te ken, vas-y. Ah ouais c'est sûr, sur ce coup là tu me fais de la peine l'ami. Pourquoi tu fais le mari? Tu crois que tu vas me dresser? Cousin, tu peux parler, tu pourras pas me blesser. Voilà les gars, la musique qui est fou, ouais c'est bon, Carlo. C'est pour du coulis les gars. Restez cool, restez cool, restez cool.